الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الإسلام، نقضي هذه الأمسية إن شاء الله مع خير البرية بعد الأنبياء رضوان الله عليهم وصلوات ربي وسلامه على أنبياء الله ورسوله. Nous allons passer cette soirée, Inch'Allah, avec les meilleurs de l'humanité après les prophètes, alayhi salatu wassalam, qui sont les compagnons de Muhammad, alayhi salatu wassalam. Qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a choisi, a fait que le chemin qui amène à son agrément, c'est leur chemin. Et il a fait que toute personne qui veut avoir, qui veut être, qui est dans ce bas monde, et avoir la récompense min Allah, azza wa jal, qu'il soit derrière eux, qu'il cherche le modèle, son modèle, il est dans les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, après le prophète alayhi salatu wassalam. Parce que, comme on dit plus d'un des hommes de science, ce sont eux, la mise en pratique du Coran et de l'authentique de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont transmis à cette communauté la lettre et la signification. Ils ont transmis à cette communauté les textes ainsi que la signification de ces textes et comment il faut les mettre en application. Et dans un monde où tout un chacun cherche un modèle, notre modèle, nous, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous l'a montré. Un modèle clair et net. Allah subhanahu wa ta'ala, le choix, il est min Allah. Qu'au monde, on ne va pas laisser un choix qui est venu min Allah, azza wa jal, pour les laisser un choix dicté par tel ou tel dont on ne sait même pas sa pensée, qu'est-ce qu'il pense, c'est quoi ses convictions, quoi que ce soit. Alors que ceux-là, ses compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ont reçu l'éloge min Allah, ont reçu l'éloge de son messager alayhi salatu wassalam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a décrété que leur, pour avoir l'agrément d'Allah azza wa jal, il faut être walladina taba'un bi ihsan, et ceux qui les suivent à la perfection, qui les muhajirun wal ansar, et ceux qui les suivent à la perfection. وَجَعَلَ اللَّهُ السَّبِيلَ سَبِيلَهُمْ. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait que la voie qui amène vers le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà, c'est leur voie, ridwanullah alayhim. وَفَضَائِلُ أُولَٰئِكُمُ الْأَخْيَارُ عَظِيمَةٌ وَهُمْ كَمَا قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَنْهُمْ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ. Et les vertus de ces hommes et de ces nobles hommes après les prophètes alayhim salatu wassalam sont nombreuses. Allah subhanahu wa ta'ala, il les a décrits ainsi. Des hommes qui étaient véridictes avec le pacte qu'ils ont fait à Allah azza wa jal. Et à la fin du verset, ils ont une particularité. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Ils n'ont rien changé. Ils n'ont rien changé de quoi? Des enseignements d'Allah azza wa jal, des ordres d'Allah azza wa jal. Ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut d'eux, ils n'ont pas changé. Ainsi, ce que leur a ordonné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il leur a enseigné le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ils ont mordu dessus avec leurs molaires et ils n'ont rien changé de doigt d'Allah alayhi. Ceux-là, ce sont les compagnons de Muhammad alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Wa hadi al-ayat tubayinu laka idama ulaikum al-rijal wa sifat ulaikum al-abrar alladhina akhtarahum Allah subhanahu wa ta'ala sahbati al-nabiyyi. Fi surat al-ahzab, yaqulu Rabbuna azza wa jal, ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. عندما رأوا طوائف اجتمعت عليهم لقتلهم ولحربهم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا. كل ذلك ما زادهم إلا إيمانا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي تسليم لله سبحانه وتعالى في الأمر كله. والآية التي بعدها تقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا وما بدلوا تبديلا، هذه أعظم صفات المؤمنين، الصدق، ولا يبدل الإنسان في دين الله عز وجل، أن يكون صادقا مع الله عز وجل ومع رسول الله، ولا يبدل شيئا في دين الله عز وجل. دونك سورة الأحزاب verset 22-23 le verset nous dit ceci avec cette traduction approximative: quand les croyants ont vu les koalis et les groupes qui se sont réunis pour les exterminer, ils ont dit: c'est ce que nous a promis Allah et son messager, et Allah et son messager ont dit vrai. Ça c'est la foi, hein? Et ceci a augmenté leur foi et leur soumission. En voyant ça, ils ont tout le monde s'est réuni, les juifs, les tribus arabes, tout le monde est là à leur porte pour les exterminer. Et ceci a augmenté leur foi et leur soumission à Allah Azza wa Jalla et à son messager alayhi salam. Et le verset de les décrire ainsi: et il est des croyants qui étaient véridiques dans le pacte qu'ils ont fait à Allah Azza wa Jalla. Parmi eux, il y a certains qui sont morts, qui ont terminé leur vie. C'est arrivé à leur fin. Et d'autres attendent, mais ils n'ont rien changé. Véridique, ils n'ont rien changé. Véridique avec Allah, véridique avec son messager, véridique dans la religion d'Allah, azzawajal, ils n'ont rien changé de cette religion. Ça, ce sont deux nobles caractéristiques auxquelles nous devons nous cramponner et les méditer, et qu'ils soient une réalité dans notre vie. وقال عز وجل في وصف أولئكم الأخيار في بيوت أدن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يوجد في الديسكريبسيون سيكلور في الله عز وجل في دو الله عز وجل سورة النور verset 36 le verset te dit ceci: dans des maisons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné d'élever pour que son nom y soit invoqué, des hommes le glorifient matin et soir, des hommes, le commerce ne les détourne pas de l'invocation d'Allah azza wa jal, et du fait d'accomplir la prière et de s'acquitter de la zakat, ils craignent le jour où ils vont retrouver Allah azza wa jal. Ce sont eux les premiers qui rentrent dans ces descriptions. Parce que c'est eux qui étaient présents au moment de la révélation. Ashabu Muhammadin alayhi salatu wassalam humu s-sadiqoun kama wasafahum Allah azza wa jal. Innama al-mu'minun alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humu s-sadiqoun. ومما لا شك فيه أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون دخولا أوليا في هذه الأوصاف وفي هذه الآيات. Les compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام sont les véridiques comme les a décrit Allah عز وجل. Le verset dans Sourate Al-Hujurat nous dit ceci, verset 15: certes les croyants, ce sont ceux qui ont cru en Allah, en son messager, ils n'ont pas douté. Ils ont fait des efforts, ils ont combattu avec leur fortune et avec leur corps sur le sentier d'Allah Azza wa Jal. Ceux-là, ce sont les véridiques. Il n'y a aucun doute que les premiers qui rentrent dans ces descriptions des croyants, ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam, parce qu'au moment de la révélation, eux, ils étaient présents. Eux, ils étaient avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Eux, ils étaient sur le sentier de combat avec Muhammad alayhi salatu wassalam. Eux, ils accomplissaient avec le prophète alayhi salatu wassalam ce que leur dicte cette religion et ce que veut d'eux Allah Azza wa Jal. Wa qala ta'ala lil fuqara' al muhajirin alladhina ukhrijoo min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqin. Yabtaghuna fadlan min Allah wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun. وبالله وتالله لا إنهم لخرجوا لنصرة هذا الدين ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودين الله عز وجل وإقامة هذا الدين في الأرض. Et l'autre verset nous dit de ceux d'eux, les pauvres émigrants qui ont quitté la Mecque vers Médine, Muhajirin, qu'on a fait sortir de chez eux, de leur maison, de leur propriété, et qu'on leur a pris leur argent, on les a sortis sans un sou. Ils cherchent avec ça, avec le fait d'être sortis et d'être obligés de quitter la Mecque, cherchent avec ça la récompense chez Allah Azza wa Jal. Ils étaient dans ça sincères pour Allah Azza wa Jal. Ils cherchent l'agrément d'Allah Azza wa Jal et faire triompher la religion d'Allah et faire triompher leur messager, le messager alayhi salatu wassalam. Ceux-là, ce sont les véridiques. Et par Allah, ils ont accompli cette mission comme il se doit. Ils ont fait triompher ce prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont fait triompher la religion d'Allah Azza wa Jal. Ils l'ont porté là où leur monture pouvait les amener pour la porter. Si Uqba ibn Nafi' s'arrête devant l'Atlantique, il dit: oh Allah, si je sais qu'il y a encore des hommes qui habitent là-bas de l'autre côté, au-delà de l'Atlantique, si je savais, ben je traverserais pour aller porter ta parole là-bas. Ainsi ils étaient radhiyallahu anhum. Et ils étaient véridiques comme les a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. فالرجال الذين صدقوا الله سبحانه وتعالى هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم صدقوا مع الله وصدقوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقوا مع أنفسهم وصدقوا مع الناس. Les hommes qui étaient véridiques, ce sont les compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام. Ils étaient véridiques avec Allah, ils étaient véridiques avec Muhammad عليه الصلاة والسلام, ils étaient véridiques avec eux-mêmes et ils étaient véridiques avec les gens. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اعتزوا بالإسلام فأعزهم الله بالإسلام. أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حملوا هذا الدين في قلوبهم ففتحوا به قلوب العباد والبلاد قبل أن يفتحوا البلاد فتحوا القلوب رضوان الله عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Les compagnons de Muhammad عليه الصلاة والسلام, ils étaient fiers de cette religion qui est l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont honoré cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala les a honorés avec cette religion. Les compagnons de Muhammad alayhi salam ont porté ce fardeau lourd et énorme qui est l'islam dans leur cœur. Ont porté cette lourdeur de l'islam dans leur cœur sans que cela recôté un seul, que ça les gêne. Ils étaient apaisés avec. Et avec cet islam, ils ont ouvert le cœur des gens avant d'ouvrir leur pays. Ils ont ouvert avec l'islam le cœur des gens avant d'ouvrir leur pays. Allah subhanahu wa ta'ala les a agréés. Le verset dans Surah Tawba dit, Allah subhanahu wa ta'ala les agrée. Et eux, ils agréent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve. Et il leur a réservé des jardins sur lesquels coulent des fleuves. Ils y seront éternels. Et ça, c'est le plus grand gain. ومن موجبات الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمور كثيرة. Et ce qui rend obligatoire de parler des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام, beaucoup de choses maintenant. Quand tu sais que des éclatés à travers des chaînes de télé insultent Abu Bakr et Omar et Uthman, ils disent n'importe quoi sur Muawiya et sur Abu Huraira, ridwanullah alayhim, qu'il est de notre devoir de défendre ces nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, de savoir leur valeur chez Allah azza wa jal, et leur valeur dans la religion d'Allah azza wa jal, et leur valeur chez Muhammad alayhi salatu wassalam. Et أصحاب محمد أمر الأول الذي يجب علينا أن ندافع وأن نتحدث عن أصحاب رسول الله. أصحاب رسول الله هم خير الناس بعد الأنبياء وبعد المرسلين. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهو ترجمان القرآن: هم الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. La première chose qui fait que c'est obligatoire de parler des compagnons du prophète alayhi salam et de voir leur vertu, leur place dans cette religion. D'abord que ce sont les meilleurs de l'humanité après les prophètes et les messagers alayhi salam. Dans Sourate Al-Imran, le verset te dit ceci: vous êtes la meilleure des communautés qui a existé pour les gens. Allah subhanahu wa ta'ala fait exister pour les gens. Vous ordonnez le bien et vous interdisez le mal. Et vous interdisez le mal. Et vous croyez en Allah. Et si les gens du livre croyaient, ce serait un bien pour eux. Si les gens du livre avaient cru, ou là s'ils ont cru, ce serait un bien pour eux. Fait partie d'eux, des gens du livre, des croyants et d'autres qui sont pervers. Ibn Abbas, interprétant ce verset, et lui, c'est l'exégète du Coran par excellence. Il dit, ce sont ceux qui ont émigré avec Mohammed a.s. de la Mecque vers Médine. Hada, c'est la meilleure des communautés qui a surgi à, qui a, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait exister dans l'humanité. Wa yaqulu ibn Kathir rahimahullah ta'ala fi tafsiri, fi le juz tani, safha 83, والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع كل قرن بحسبه في جميع كل قرن بحسبه وخير قرونهم الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الذين يلونهم كما جاء في حديث البخاري رحمه الله تعالى. ابن كثير دو ندير رحمه الله عليه et ce qui est venu c'est que ce verset concerne toute la communauté de Mohammed alayhi salam, dans toutes les générations, chaque génération, selon ce qu'il aura accompli et comment il aura mis cette caractéristique qui est le fait de mettre en application les ordres d'Allah Azza wa Jal et de blâmer le mal et d'interdire le mal. Et, mais la meilleure des générations de cette communauté était celle dans laquelle Mohammed alayhi salam a été envoyé. Et leurs successeurs qui sont tabi'in. Et leurs successeurs, parce que ces trois générations, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les a cités dans un hadith, hein, comme il est rapporté par l'imam Bukhari et par d'autres, rahmatullahi alayhi. Kayfa la yakunu al-amru kadhalik. Wa Rasuluna sallallahu alayhi wa sallam yakoul, khairun nasi qarni, thumma alladina yilunahum, thumma yaji'u aqwamun, tasbiqu shahadatu ahadim yaminahu wa yaminahu shahadatu. Rawahu al-Bukhari. Comment ça ne peut pas être autrement, frère en Allah Azza wa Jal. Car le prophète alayhi salam nous a dit dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, le meilleur des gens, c'est ma génération. Et après ceux qui les suivent, et après il va arriver des gens, hein, leur témoignage va être mis en avant avant leur serment. Et leur serment va être en avant avant leur témoignage. Ils jurent. Il vient, sans qu'on lui demande de témoigner, il témoigne et il jure. Regarde combien ils sont nombreux maintenant. Comme si le prophète alayhi salam était avec nous. Donc, chaque fois que tu passes devant un hadith, tu vois que plein de hadiths trouvent leur réalité dans notre quotidien. Combien de gens ramènent et font des témoignages alors qu'on ne leur a même pas demandé. Combien de gens maintenant, dès qu'il veut parler, d'abord c'est Wallah. Et il commence à débiter. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قوم اختارهم الله لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام ولنصرة دينه فكانوا خير الصحب عزروه ووقروه وأحبوه واتبعوه ونصروه وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم وكان صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من الولد والوالد بل من النفوس التي بين الجنوب لكمبانيون بروفيت عليه الصلاة والسلام. Des gens que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un peuple que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son messager alayhi salatu wassalam et pour faire triompher sa religion. Ils étaient les meilleurs des compagnons. Ils ont donné la force à leur prophète alayhi salatu wassalam. Ils l'ont aidé, ils l'ont fait triompher, ils l'ont respecté, ils l'ont aimé, ils l'ont suivi. Ils l'ont aimé plus que eux-mêmes, plus que leurs enfants, plus que leurs femmes, plus que leur fortune, plus que leur pays. Ils l'ont mis au-dessus de tout. Et ça, c'est la réalité de la foi complète. يقول عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم لعمر: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. Dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, un jour Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu warda dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, je t'aime plus que moi-même. Je t'aime plus que moi-même. Je t'aime, mais j'aime moi-même et après je t'aime toi. Ce qui lui fait comprendre ça. Je t'aime, mais j'aime d'abord moi et après toi, ya Rasoulallah. Au-dessus de tout. Mais j'aime moi-même avant. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit: par Allah, ya Omar, ce n'est pas ça. Pas encore. Jusqu'à ce que je sois ce que tu aimes plus que ce monde, même que tu m'aimes plus que toi-même. Et Omar a entendu un moment, il lui a dit: ya Rasulallah, maintenant, je t'aime plus que moi-même. Et là, Omar, Rasulallah lui dit: maintenant, ya Omar. Regardez comment la rapidité dans la mise en application. Là, il entend le verset, après le verset: oui, mais. Oui, mais. Mais mon professeur m'a dit, et j'en passe, je ne pas, parce que certains, ils vont commencer à délirer. Non, je ne veux pas délirer. Kayfala, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit à eux: la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Et ça ne peut pas être autrement. Regarde, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui est rapporté par l'imam Bukhari, chapitre: aimer le prophète alayhi salatu salam fait partie de la foi. Ça, c'est le chapitre. Aimer le prophète alayhi salatu salam fait partie de la foi. Il ramène ce hadith. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam leur a dit un jour: certains parmi vous, leur foi ne sera pas complète. Ils sont croyants, mais il leur dit: leur foi ne sera pas complète jusqu'à ce qu'ils m'aiment plus que leurs parents, leurs enfants et toute l'humanité, tous les gens. Ils sont croyants, mais il leur dit: la foi de certains ne va pas être complète jusqu'à ce qu'ils mettent dans leur amour au-dessus de tout. Au-dessus de la femme, au-dessus des enfants, tous les parents et tout ce que ce monde est, ce que le contient. Hein? يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه فما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه سيئا فهو عند الله سيء. وهذا الحديث إسناده حسن وهو عند الإمام أحمد وفي المعجم وعند غيرهم رحم الله أئمة المسلمين. Et maintenant, cette parole d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala qui va nous décrire les compagnons du prophète alayhi salatu wasallam. Il dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé dans le cœur des gens, dans le cœur de ses serviteurs. Et ça, ce genre de parole, Abdullah ibn Mas'ud ne l'a pas ramené de lui-même. Parce qu'il s'agit de quelque chose, il fallait qu'il l'apprenne du prophète alayhi salatu wasallam. Parce que c'est quelque chose qui concerne l'invisible. Les cœurs des gens, c'est quoi? C'est quelque chose qui est caché. C'est un invisible, ce qu'il y a dans les cœurs. Donc, ce n'est pas quelque chose que Abdullah ibn Mas'ud a ramené de lui-même. Il dit, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, Allah a regardé dans les cœurs des serviteurs. Et il a trouvé que le cœur de Muhammad alayhi salatu salam est le meilleur des cœurs parmi les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a choisi pour lui. Et il l'a envoyé avec son message. Et il a regardé dans le cœur des serviteurs, il a trouvé, après Mohammed alayhi salatu salam, il a trouvé que les cœurs des compagnons de Mohammed alayhi salatu salam sont les meilleurs des cœurs parmi les serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'ils soient les vizirs de son prophète alayhi salatu salam et ses alliés qui combattent pour sa religion. Et il a dit, radiyallahu ta'ala anhu warda, ce que les musulmans ont vu bon, ben il est chez Allah bon. Et ce qu'ils ont vu mauvais, ben il est chez Allah mauvais. Maintenant, tu diras, il y a des frères qui sont autour de nous, ils ont vu que ça c'est bon. que le khourouj c'est bon, l'aksa, il y a un bien dans le khourouj, etc. Et tu commences à instaurer avec cette phrase-là. Andaka khal islam. Hada, c'est les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? Les ministres qui nous entourent et ceux qui nous entourent, toutes leurs idées et tout ce qu'ils voient, ramène-le et tu le mets. Si tu arrives à discerner le vrai du faux, bihawa ni'mat, tu n'arrives pas à discerner le vrai du faux, bah tu prends le téléphone, tu appelles un homme de science. Qu'est-ce que vous pensez de la vie de cette personne? Hein? C'est pas n'importe qui, Hadou, c'est les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Hein? D'accord, on mélange pas. Il y a une grande différence entre ce que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi et a élu pour être les meilleurs de la communauté humaine et ceux qui vivent dans un siècle ou dans un milieu gare comme nous ici où il n'y a pas d'homme de science déjà. Il y a une énorme différence. Que Hadou dont il s'agit dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, eux-mêmes c'est des savants. C'est eux l'origine de la science que tu as. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim. Hein? D'où Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. Muawiya radiallahu ta'ala anhu. Omar ibn Khattab. L'origine de la science qu'ils ont appris dans le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Donc il n'y a aucune comparaison à faire. Wa yaqulu ibn Omar radiallahu anhu wa ardah. Man kana mustannan faliyastanna biman qad mat. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا على الهدى المستقيم هذا وذكره كذلك البغوي في تفسير عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارضاه وهو في حلية الأولياء رحم الله أئمة المسلمين وعلماء حديث هذه الأمة رحمة واسعة ابن عمر رضي الله تعالى عنهما de nous dire celui qui veut suivre quelqu'un qu'il suit ceux qui sont morts de qui il parle à son époque des compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Celui qui veut suivre quelqu'un, qu'il suit les morts. Muhammad alayhi salatu wassalam, Abu Bakr, Omar, etc. Donc les compagnons, ils nous orientent vers les compagnons. Ceux-là, ce sont les compagnons de Muhammad alayhi salatu wassalam. Ils étaient les meilleurs de cette communauté. Et ils avaient des cœurs dévoués pour Allah azza wa jal. Et ils avaient une science profonde, une grande science, une énorme science. Ils s'imposaient peu de ce bas monde, ils s'imposaient peu, ils n'allaient pas à l'extrême dans leur religion. Hein? Toutes ces les choses avec lesquelles on se gêne dans notre bas monde et les complications qu'on se donne dans notre religion, au moins ils n'avaient pas tous ces problèmes-là. Hein? Ce sont des gens, il dit, radiallahu ta'ala anhu wa ardah, des gens que Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour accompagner son prophète alayhi salatu wassalam et pour transmettre sa religion. Ressemblez-leur dans leur comportement et dans leur voix. Ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, ils étaient sur la droiture, ils étaient sur la guidée et sur la voie droite. Et hada par Allah, c'est un noble conseil. Hein? Et on compare ce conseil, celui qui dit à l'autre, il faut prendre des postes dans ce pays, il faut faire comme Laurent Fabius. Où est-ce qu'on est hada? Hein? Hada, il te donne un modèle, si tu le suis, tu marches directement sur le chemin qui t'amène l'agrément de Allah, Azza wa Jal. Hada qu'il t'oriente sur une voie si tu la chouis, ton malheur il est dans ce bas monde, ce qui t'attend chez Allah, Azza wa Jal, si tu meurs sur cette situation, c'est pire encore. Regardez, celui qui veut conseiller la communauté, celui qui veut la trahir. L'amr tani, anna sabila sahabati radiyallahu anhuma, عنهم أجمعين وسبيل النجاة وهو المنهج الحق الذي فيه سعادة الدنيا والآخرة وهو سبيل المؤمنين الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه باتباعه وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته بالتمسك به وأن نعض عليه بالنواجد والأدلة على هذا كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا وهذه الأدلة تأمرنا باتباع نهج صحابة رسول الله رضوان الله عليهم. Et donc, le deuxième point qui fait obligatoire, moi, il faut parler, il faut apprendre la vie des compagnons du prophétalisme, se pencher et savoir qui étaient ces hommes, c'est que leur voix, c'est la voie pour être sauvé dans ce bas monde et dans l'au-delà. Leur voie, c'est la voie de la vérité. La voie, leur voie, c'est celle qui te donnera le bonheur ici, dans ce bas monde. Et tu seras tranquille dans ta religion. Et dans l'au-delà, tu ne sais pas ce qui t'attend comme agrément, min Allah Azza wa Jal. Aucun œil n'a vu ce qui t'attend là-bas, si tu suis leur voie. Aucun oreille n'a pu entendre de ce qui t'attend là-bas, si tu les suis. Aucun cœur n'a pu imaginer ce qui t'attend là-bas, si tu suis leur chemin. Leur voie, c'est la voie des croyants. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné à suivre. Que nous a ordonné Mohammed alayhi sallatu salam. Mohammed alayhi sallatu salam nous a ordonné de se cramponner à cette voie. Et qu'on mord dessus avec nos molaires. Et les preuves dans la parole d'Allah azza wa jal et dans l'authentique de la sunna de notre prophète alayhi sallatu salam sont nombreuses qui nous ordonnent le fait de suivre la voie des compagnons du prophète alayhi sallatu salam. Radwanullah alayhi. Fal adillatu min kitabi rabbina. قال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فكن يا عبد الله ممن اتبع هؤلاء الذين اتبعوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحسان لتكون ممن رضي الله عنهم ماذا تريد من حياتك ماذا تريد من تمسكك بدينك واستسلامك لربك العلام ماذا تريد من هذا كله تريد رضوان الله فعليك بالطريق لا تخطئ الطريق يا عبد الله عليك بطريق من رضي الله عنهم لكي تحظى برضوان الله عز وجل et dans sourate At-Tawba le premier verset qui va te montrer la valeur de qu'il est obligatoire de suivre leur chemin et la valeur de ses compagnons ce verset vous le connaissez سابقون الأولون les premiers parmi ceux qui ont émigré avec le prophète عليه الصلاة والسلام et leurs alliés à Médine qui leur ont donné asile et qui les ont accueillis hein? Et ceux qui les suivent à la perfection qu'est-ce qui leur arrive Allah subhanahu wa ta'ala les agrée eux ils agréent ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve Allah subhanahu wa ta'ala leur a réservé des jardins sur lesquels coulent des fleuves dans lesquels ils vont être éternels. Et ça, c'est la meilleure des récompenses, la plus noble, la plus grande des réussites. Donc, qu'est-ce que je veux dans ma soumission à Allah Azza wa Jal ? Qu'est-ce que je veux quand je mets en application la sunna de mon prophète alayhi sallatu wassalam ? Je veux avoir l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Mais il ne faut pas que je me trompe de chemin. Il faut que je prenne le chemin qui va me prévaloir cet agrément d'Allah. Et le chemin... C'est le chemin sur lequel étaient les compagnons de Mohammed alayhi sallatu wassalam et ceux qui les suivent à la perfection. Ce chemin, tu dois le prendre dans la compréhension de cette religion, dans les croyances que tu as, les croyances dans cette religion, dans le comportement, dans ta façon de commercer, dans tout. Tu dois prendre ce chemin. C'est ce chemin-là qui va t'amener l'agrément d'Allah Azza wa Jal. وقال تعالى اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وهؤلاء هم صحابة رسول الله لم يسألوا أحدا أجرا على دعوتهم لهذا الدين وهم مهتدون بدليل قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون وقال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني والصحابة رضوان الله عليهم قد اتبعوا الرسول ودعوا الناس إلى الإسلام فوجب علينا اتباعهم et Allah subhanahu wa ta'ala aussi le verset dans surat Yassin nous dit aussi suivez ceux qui ne vous demandent pas d'argent ils sont guidés et ceux qui n'ont rien demandé ils n'ont pas demandé de récompense des gens pour cette religion et pour le fait qu'ils aient appelé à cette religion et qui étaient guidés Ce sont les compagnons de Mohammed Ali. Ce sont les compagnons de Mohammed. Ils n'ont demandé rien à qui que ce soit dans la da'wa qu'ils ont fait de cette religion. Allah subhanahu wa ta'ala décrit dans l'autre verset de Sourate Al-Imran, vous étiez sur une porte, une pente vers le feu, vers l'enfer. Allah subhanahu wa ta'ala vous en a sauvé. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala vous montre ses signes et vous allez être guidés. Là, vous montre ces signes, et si vous suivez ces signes-là, vous allez être guidé. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit d'eux aussi, dit à Muhammad, ça c'est ma voix, j'appelle vers Allah avec clairvoyance, avec science, moi et ceux qui me suivent. Sahaba Ridwanullah alayhim, ils ont suivi Mohammed alayhi salatu salam. Ils ont appelé vers cette religion. Ils n'ont rien demandé à qui que ce soit dans leur da'wa vers Allah Azza wa Jal et vers cette religion. Donc il est obligatoire pour nous de les suivre. Ce n'est pas quelque chose de surrogatoire. Je le fais ou là je le fais pas. C'est une obligation. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Dans sourate Tawba, médite bien ce verset. Ou vous qui avez cru, préservez les droits d'Allah Azza wa Jal et soyez avec les véridiques. ولا شك ولا ريب أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أئمة الصادقين بعد الأنبياء. فوجب علينا ولا ريب في ذلك أن نكون معهم أن نكون على منهجهم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. Il n'y a aucun doute que les véridiques, les premiers qui rentrent dans ce verset, dans sourate Tawba, ce sont les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام. Ce sont les imams des véridiques après les prophètes. Donc il est obligatoire pour nous, il n'y a aucun doute, de suivre leur voie. C'est obligatoire. Ce n'est pas quelque chose de surrogatoire. Je veux ou là je ne veux pas. Là il y a l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans surat al-Imran, le verset nous dit ceci: celui qui se cramponne à Allah, celui qui se cramponne à la religion d'Allah azza wa jal, au livre d'Allah azza wa jal, à la sunna de son messager alayhi salatu salam, celui-là il a été guidé sur la voie droite et sur la rectitude. قال ابن القيم رحمه الله تعالى وجه الاستدلال بالآية أنه تعالى أخبر عن المعتصمين به بأنهم هدوا إلى الحق. فيقول الشيخ هنا الصحابة رضوان الله عليهم. ابن القيم رحمه الله يقول الصحابة رضوان الله عليهم معتصمون بالله فهم مهتدون فاتباعهم واجب. وهذا ذكره في إعلام الموقعين رحمه الله تعالى. ابن القيم رحمة الله عليه de nous dire le cas de figure de la preuve ici dans ce verset, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que ceux qui se sont cramponnés à lui, à la religion d'Allah Azza wa Jal, ceux-là ce sont ceux qui sont dans la guidée véridiquement, qui ont été guidés véridiquement. Ibn al-Qayyim de nous dire les compagnons du prophète alayhi salatu salam se sont cramponnés à la religion d'Allah Azza wa Jal. Donc ils sont guidés. Donc le fait de les suivre, c'est une obligation. Hada, c'est la compréhension et la clairvoyance avec laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a doté les imams de cette communauté. وقال تعالى محذرا أولئك الذين يسلكون سبيلا غير سبيل المؤمنين أي غير سبيل الصحابة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الله سبحانه وتعالى nous avertit aussi ceux qui prennent un autre chemin que le chemin des croyants. C'est-à-dire celui qui prend un autre chemin que le chemin des compagnons du prophète alayhi salatu salam. Parce que quand le verset est descendu, il y avait qu'eux. C'était eux les seuls croyants sur terre. Le verset nous dit ceci: et celui qui prend une autre voie que la voie du messager, après que les preuves lui sont arrivées, après qu'il ait l'éclaircissement, et qui suit le chemin, un autre chemin que le chemin des croyants, qui veut dire qu'il suit un autre chemin que le chemin des compagnons, celui-là, nous allons lui faire l'alliance avec ceux avec qui il a cherché alliance, et sa demeure sera l'enfer. Yajib, il est de notre devoir de regarder qui on suit. Parce qu'il en va à la fin, la douleur à la fin. Ou c'est l'agrément d'Allah, Zawajal, ou c'est le contraire. Selon les situations. Il faut qu'on regarde qui je suis. Là. Est-ce que c'est quelqu'un qui suit les compagnons du prophète alayhi salatu salam, qui respecte leur voix, qui respecte la sunna du prophète alayhi salatu salam, qui n'émet pas des opinions qui sont contraires à la voix des compagnons du prophète alayhi salatu salam, qui ne donnent pas des explications qui ne sont pas dans leur voix? Il faut que je sache. Ici, tant qu'il est, tant demain, le jour de la résurrection, c'est trop tard, c'est fini. Là-bas, tu vas te rendre compte, c'est dans ce monde, tu étais sur un cheval, ou là sur un bricot. L'un des deux. C'est tout. Là-bas, c'est les comptes. Et tu vas avoir la réalité en face de toi. Et une fois que tu es dans la tombe, tu sais à ce moment-là ce que, sur quelle voie tu étais. ووجه الدلالة أن الآية جعلت مخالفة سبيل المؤمنين سببا لتولي سبل الضلال وصلي جهنم كما دلت على أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هو من أعظم أصول الإسلام وهو مستلزم لسلوك سبيل المؤمنين وموجب له. Donc, le cas de figure ici de la preuve, c'est que le verset a fait que celui qui prend un autre chemin que le chemin des croyants, qui est le chemin des compagnons, l'alliance, son alliance va être pour ceux qui l'a suivi. Et donc c'est une alliance qui l'amène vers les chemins de l'égarement. Et à la fin, ça va être, la demeure, ça sera l'enfer. Comme il prouve aussi que le fait de suivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ça fait partie des grands fondements et des fondements géants dans l'islam. Et que cela implique qu'il est obligatoire de suivre la voie des compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Wa sabilu al-mu'minin huwa aqwalu as-sahaba wa af'alu as-sahaba dalla dhalika qawluhu 'azza wa jalla amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbi wal-mu'minun wal-mu'minuna anadhak hum as-sahaba laysa illa hum ya 'abdallah. Donc, et le chemin des croyants, c'est leur parole, c'est la parole des compagnons, c'est leurs actes. Cela est prouvé par le verset suivant. Rasoul a cru en ce qui lui a été descendu de son Seigneur, et les croyants ont cru aussi. Et les croyants aussi. Les croyants, au moment de la révélation, qui c'était? Quand la révélation est descendue à Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, qui c'était? Sinon les compagnons du prophète alayhi salatu wasallam. Personne d'autre que. وَهَذَا دَلَّ إِنْ دَلَّ عَلَى شَيْءٍ إِنَّمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اتِّبَاعَ سَبِيلِ صَحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي فَهْمِ شَرْعِ اللَّهِ وَاجِبٌ وَمُخَالَفَتُهُ ضَلَالٌ وَانْحِرَافٌ عَظِيمٌ عَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. Et ça, ça prouve que le fait de suivre les compagnons, le chemin des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasallam, dans la compréhension de la législation d'Allah, Azzawajal, ceci est obligatoire. Et le fait d'être en divergence avec eux, ceci est un énorme égarement. C'est une énorme déviance de la voie droite. Wa qala ta'ala, ihdina as-sirata al-mustaqim. Sirata al-lazina an'amta alayhim, ghayri al-maghdubi alayhim wa al-dallin. Il dit dans surat al-Fatiha, ce dua que nous faisons toujours. Guide-nous sur la voie droite, la voie de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, et non ceux qui ont encouru ta colère, et non la voie des égarés. قال ابن القيم رحمه الله تعالى والصراط المستقيم هو صراط الأنبياء قبل هذه الأمة وصراط الصديقين والشهداء والصالحين من هذه الأمة. كما قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع من؟ مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فأولئك هم أهل النعمة والفضل وصراطهم بمعزل عن أسباب الغضب وموجبات الضلال إذ هو تام الاستقامة لا عوج فيه ولا انحراف وسلوك الصراط المستقيم فريضة واجبة على كل مسلم وتدخل فيه المسلم كذلك مسلم ومسلمة ذكر وأنثى. ابن القيم رحمه الله تعالى il nous dit pour sirat mustaqim, il dit sirat mustaqim, c'est la voie du prophète عليه الصلاة والسلام avant cette communauté, et c'est la voie des véridiques et des martyrs et des vertueux parmi cette communauté. Et à la tête de ces véridiques et de ces martyrs, et de ces vertueux de cette communauté arrivent Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam, en premier rentrent dans les véridiques. Et le plus grand des véridiques après le prophète alayhi salatu wassalam, c'est Abu Bakr. Et après, les autres compagnons le suivent. Et les martyrs rentrent dedans, les compagnons de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et les vertueux et les gens du bien, les premiers qui rentrent dans cette description, Ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci trouve sa preuve dans l'autre verset, dans Surat Nisa, verset 69. Celui qui obéit à Allah et à son messager. Et par Allah, les compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ont obéi comme il se doit à Allah et à son messager. Et celui qui obéit à Allah et à son messager, ceux-là sont avec ceux que Allah a comblés de ses bienfaits, qui sont qui? Les prophètes, les véridiques, les vertueux, les martyrs et les vertueux, et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Donc, dans la parole de Allah, ils ont ces jalouses. C'est pour ça. Ce sont eux les gens qui sont couverts avec les bienfaits d'Allah. Ils étaient couverts dans ce bas-monde. Et dans le delà, ce qui les attend, c'est encore énorme. Et leur voix, elle est loin de la voix de ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Et elle est loin de la voix de ceux qui sont dans l'égarement. Parce qu'ils étaient dans la droiture. Ils étaient sur une voie dans laquelle il n'y a pas de détour. Il n'y a pas de déviance. Ils ont pris la voie droite. Et le fait de prendre la voie droite, ceci est une obligation pour chaque musulman et chaque musulmane. Ce n'est pas un surrogatoire, c'est obligatoire à l'islam. قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وإنما يكون سلوك هذا الصراط باتباع السابقين عليه في التحليل والتحريم والإيجاب فيتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هديه وسنته ويتبع الصحابة فيما اختلف فيه الناس وتشابه عليهم لأنهم المبرؤون من الانحراف القائمون المستقيمون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il y a un autre verset dans Sourat Al-An'am, verset 153, nous dit ceci. Ça, c'est ma voie droite. Suivez-la et ne suivez pas les chemins. Regarde. Ça, c'est ma voie droite. Suivez-la. Une seule voie. Et pour décrire les autres voies. Et ne suivez pas les chemins. Ils sont nombreux. Chemin de l'égarement, sont nombreux. Et chaque jour, tu as un nouveau chemin qui se crée. Et de ce chemin découle encore plusieurs chemins. À chaque fois. Chaque chemin, chaque idée, chaque groupe, il te fait pondre des idées et des groupes. À ne plus en finir. Il dit, ne suivez pas les chemins qui vont vous faire éloigner et vous diviser de la voie d'Allah Azza wa Jal. Et vous éloigner, ils vont faire que vous soyez en divergence avec la voie d'Allah Azza wa Jal. C'est ce qu'il vous a ordonné. Si vous voulez avoir la piété, il faut suivre ce chemin pour arriver à s'acquérir taqwa, il faut suivre ce chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de suivre. Et le fait d'aller sur la voie droite, cela ne peut être qu'en suivant ceux qui nous ont devancés dans cette voie. Dans tout ce qu'ils ont fait comme halal, dans tout ce qu'ils ont fait comme haram, dans tout ce qu'ils ont fait comme obligation. Le halal, c'est le halal sur lequel ils étaient. Le haram, c'est le haram qui était à leur époque. Ce qui est obligatoire, c'est ce qui était obligatoire à leur époque. Ce qui était surrogatoire, c'est ce qu'il était à leur époque, et ainsi de suite. Et donc, on doit suivre le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans sa voie, dans son comportement, dans sa sunnah. Et on doit suivre les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand les gens sont en divergence, on revient vers qui pour sortir de la divergence? On revient aux compagnons de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hein? On revient pas à un penseur ou là un philosophe ou là un sociologue ou là un théoricien d'un groupe ou là un penseur islamique, là à l'islam. On revient à la base, à la source, à ceux qui ont compris l'islam comme il se doit. Il y a divergence, reviens à la source. Et là, la situation devient claire. C'est pour ça que beaucoup de ces groupes, ils te disent, nous, on met le livre d'Allah, Zawajal, et la sunna du prophète alayhi salatu wasalam en application. Et dès que tu leur dis avec quelle compréhension, ils se sauvent. Parce qu'ils savent où tu veux l'emmener. Tu veux l'emmener dans une cage qui va faire obligatoire qu'il doit délaisser ses idées et les principes fondamentaux de son groupe. Parce que s'il accepte le livre d'Allah et la sunna du prophète avec la compréhension des puis ailleurs, ça veut dire qu'on va se rencontrer. mais il ne veut pas. Pourquoi? Parce que les principes qu'a dicté le fondateur de son groupe sont en divergence avec la parole des compagnons et les actes des compagnons. Il se sauve. Pourquoi? Pour sauver l'image de son fondateur. Pour sauver l'image de son émir du quartier. Ou là, l'émir du secteur. Et ainsi de suite. Pour ça qu'il éclipse. Il s'éclipse. Il joue avec toi comme l'anguille. D'accord. Le livre d'Allah et la sunna. Dès que tu arrives à la compréhension, il n'y a plus personne. Il ne répond plus. Parce qu'il sait qu'il va être coincé. C'est pour ça que cette voie, suivre la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Mais avec, chaque fois qu'il y a litige, on revient à la source première. C'est quoi la source première? Il a mis en application et la compréhension première. C'est le d'Abou Bakr, de Omar, de Uthman et ceux qui les suivent à la perfection. Et des compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam et ceux qui les suivent à la perfection. Chaque fois qu'il y a une ambiguïté, que les gens rentrent dans une ambiguïté, quand tu reviens et tu analyses la situation, tu trouves que ils ne sont pas revenus à la source. S'ils revenaient à la source, il y a beaucoup de problèmes qu'ils n'auront plus entre eux. Plus de problèmes entre eux. Parce que le fait de revenir à cette source, ça va dissiper les nuages. Parce que ses compagnons de prophète, Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait qu'ils ne se sont pas égarés dans leur ensemble. Leur voix, il est épargné de l'erreur. Leur voix, il est épargné de l'erreur. Chaque individu en soi, il peut commettre une erreur. Parce que c'est un être humain. Mais leur voix dans l'ensemble, c'est une voix qui est épargnée de l'erreur. Ils ont accompli comme il se doit, radhiyallahu anhu, la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et ils étaient dans la droiture, dans le suivi de Mohammed alayhi salatu wasalam. Wa wajhu dilala anna al-bara'ata min subuli al-maghdubi alayhim wa ad-dallin fi al-i'tiqad wa al-ibada wa al-siyasa wa al-akhlaq wa al-ibada shartun lil bara'ati min al-'adabi wa al-ghadabi wa ad-dalal. Et le fait d'être loin de la voix de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, Azza wa Jalla, de ceux qui se sont égarés, que ce soit dans les croyances, dans l'adoration, dans la politique, dans le comportement, dans tout, c'est une des conditions pour être épargné du châtiment et de l'égarement et de la colère d'Allah. Le fait de suivre la voie de ceux que Allah a comblé de son bienfait te permet de ne pas tomber dans la colère d'Allah, dans le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, Azza wa Jalla, et dans le chemin des égarés. Et pour ne pas tomber dans le châtiment et la colère d'Allah, Azza wa Jalla, la condition c'est quoi? C'est de suivre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. C'est eux qui rentrent dans An'am Allahu alayhim. Allah subhanahu wa ta'ala les a comblés de ses bienfaits. Et dans le sens contraire, les autres qui ne sont pas sur leur voie, bah, sont allés dans un chemin, soit le chemin de ceux qui ont encouru la colère d'Allah, et ceux-là, leur caractéristique principale, c'est quoi? Ils ont de la science, ils ne la mettent pas en application, là, ils la cachent. Soit aller dans le chemin de ceux qui se sont égarés, et ceux-là, leur caractéristique principale, c'est quoi? Ils n'ont pas de science, ils mettent en application. Hein? Point final. Et les autres, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a comblé de son bienfait, bah, tout ce qu'ils font, leur croyance, leur compréhension, leur mise en application, leur comportement, etc., est basé sur la science. Tout émane de cette science bénéfique qui est la parole d'Allah, l'authentique de la sunna de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et pour ceux qui sont venus après les générations qui ont vécu avec Mohammed alayhi salatu wasalam, la compréhension de ces générations qui ont reçu l'éloge min Allah azza wa jalla. والبراءة وهذه البراءة تكون باتباع صراط السابقين الأدلاء على الطريق وهم من هذه الأمة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا يقتضي منا اتباعهم واقتفاء آثارهم ولزوم هديهم فت pour être épargné du châtiment, épargné de la colère d'Allah Azza wa Jalla, il faut être sur la rectitude, sur la voie droite. Et ceux qui sont les guides sur cette voie de cette communauté, de la communauté de Mohammed alayhi salatu wasalam, ce sont les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam. Et cela implique qu'on doit les suivre, qu'on doit les prendre comme modèle. On doit se cramponner à leur voix. كذلك الأدلة من السنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فجلسنا فخرج علينا فقال ما زلتم هنا قلنا يا رسول الله صلينا معك ثم قلنا نجلس حتى نصلي معك العشاء. فقال صلى الله عليه وسلم أحسنتم أو أصبتم. Écoutez ce hadith qui est rapporté par l'imam Muslim رحمه الله تعالى. Abu Musa al-Ash'ari رضي الله تعالى nous dit qu'un jour, lui et les compagnons du prophète, après avoir terminé la prière d'Yal Mughrab avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ils sont restés, ils se sont dit, nous allons rester jusqu'à prier Salat al-Isha avec le Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Quand le Rasul sallallahu alayhi wa sallam est sorti, il lui a dit, vous êtes encore là? Il dit, ya Rasulullah, nous avons prié avec toi le Maghrib et nous sommes restés pour prier avec toi l'Isha. Il leur a dit, vous avez fait bien, ou là vous l'avez dans le mille, asabtum, de l'avoir dans le mille, d'être juste. Il a dit, asabtum. قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء. انظر انت التدقيق في الملاحظة، يلاحظون كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عليه الصلاة والسلام النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان كما قال صلوات ربي وسلامه عليه، وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. Et quand il a entendu ça des compagnons, il a levé sa tête vers le ciel. Et le Coran, la minutie dont il rapporte le moindre geste du prophète alayhi salam. On dit, et souvent le prophète alayhi salam, il levait la tête vers le ciel. Même ça, ils ne l'ont pas laissé échapper. Ils l'ont transmis. Et souvent alayhi salam, il levait la tête vers le ciel. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, les étoiles sont la sécurité du ciel. Quand les étoiles vont partir, l'ordre, ce qui est promis au ciel, va arriver. Et je suis la sécurité pour mes compagnons. Quand je vais partir, il va arriver à mes compagnons ce qui est prévu pour eux. Et mes compagnons sont la sécurité pour ma communauté. Quand mes compagnons vont partir, il va arriver à la communauté ce qui est prévu pour elle. Et il a dit vrai. Salawatu Rabbi wa salamu alayhi. Fa ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam نسبة أصحابه إلى من بعدهم في الأمة الإسلامية كنسبته إلى أصحابه وكنسبة النجوم إلى السماء. الرسول صلى الله عليه وسلم a fait que ses compagnons vis-à-vis de la communauté après lui sont comme lui vis-à-vis de des compagnons quand il était parmi eux, et comme les étoiles dans le ciel. Regardez. النووي رحمة الله عليه ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية، فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. النووي رحمة الله عليه avec la clairvoyance que Allah سبحانه وتعالى lui a donné, il a dit la signification de ce hadith c'est que tant que les étoiles sont dans le ciel, ben le ciel il reste. Et une fois que les étoiles sont éteints, ils ne sont plus là, ben le ciel n'a plus à rester, il va tomber lui aussi le jour de la résurrection. Hein? Ça y est. Pas d'étoiles, pas de ciel le jour de la résurrection. Tout part. Tant que les étoiles sont là, donc le ciel il est là. Et une fois que les étoiles partent, ce qui est promis, ce qui devait avoir au ciel, il va arriver. وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يعادون، أي من الفتن والحروب وارتداد من ارتد من الأعراب واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا صلوات ربي وسلامه. وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم أصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعادون، معناه ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتهال المدينة ومكة وغير ذلك، وهذه كلها من معجزاته صلوات ربي وسلامه عليه. النووي continue de nous dire Et quand le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, je suis la sécurité pour mes compagnons, quand je pars, il va arriver à mes compagnons ce qui les attend, ce qui est prévu pour eux. Il dit, rahmatullah alayh, ça c'est les fitaines et les guerres qu'ils vont vivre les compagnons, radhiyallahu alayhim. Les fitaines, ce sont deux groupes qui vont se créer, Had al-Qadariya, al-Jahmiya, al-Khawarij, etc. Les guerres et l'apostasie des Bédouins. Le prophète est mort, les Bédouins ont apostasié autour d'eux, de la Mecque et les tribus arabes. Alors que Abu Bakr Siddiq prend une armée pour aller mater toute cette apostasie. Et aussi la divergence entre les cœurs. Et d'autres choses desquelles le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a averti clairement de ces choses-là. Et il a été comme il se doit. Regarde la divergence des cœurs maintenant. Regarde la divergence d'opinion dans cette religion maintenant. Déluge d'opinion. Déluge de perturbation. Déluge d'ambiguïté. Hein? Si tu entends certains, Mskinla, subhanahu wa ta'ala, il ne l'a pas guidé vers la voie, vers la clarté, tu dis, je ne sais plus où donner de la tête. Subhanallah. Et tout ceci va de pair. Et ceci doit nous faire encore cramponner de plus en plus à la voix de notre prophète alayhi salatu wasalam, de ses compagnons. Parce que tout ceci, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi après, et mes compagnons sont la sécurité pour ma communauté. Quand mes compagnons vont partir, ils ne seront plus là, ben il arrivera à ma communauté ce qui est prévu pour elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'apparition des innovations. Par Allah, regarde. Regarde les mosquées autour de toi. Regarde les innovations dans les fêtes. Regarde les innovations dans les mariages. Regarde, et t'en finis pas. Regarde l'innovation dans la religion. Parle pas innover dans les choses mondaines. Là, c'est un autre domaine, ça nous concerne ici. Innovation dans la religion, c'est ça le pire. Regarde les perturbations d'esprit, les ambiguïtés qu'il y a. Et aussi, les Romains et tous vont prendre le dessus. Regarde. Qui prend le dessus sur la communauté aujourd'hui? Hein? Regarde. C'est comme si Rasoul sallallahu alayhi wa sallam vit avec nous. Ce qu'il a dit, comme il se doit. Salawat al wa salam al. Comme il est. Hein? Il y a eu des gens qui ont aussi négligé la Mecque. Il y a eu. Ils ont fait des trucs dans la Mecque. Que ce soit les disciples d'El Khomeini dernièrement, hein, dans les années 80, ou que ce soit avant, le Karameta ou le Bataniya, tout ce qu'ils ont fait à la Mecque et à Médine, et autres. Et ça, tout ça fait partie des miracles de Mohammed alayhi salatu wa sallam. Parce qu'il a annoncé des choses qui ne sont pas arrivés à son époque et que les compagnons ont vécu. Et il a annoncé des choses qui sont arrivées après les compagnons, radhiyallahu anhum. Et il a annoncé des choses dans lesquelles on vit maintenant. فهذا الحديث تضمن فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم على وجه عام كما اشتمل على بيان منزلتهم ومكانتهم العالية في الأمة وأنهم في الأمة بمنزلة النجوم في السماء فكما أن النجوم منار لأهل الأرض ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كما قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر كذلك الصحابة يقتدى بهم للنجاة من ظلمات الشهوات ومن ظلمات الشبهات ومن أعرض عن فهمهم فهو في غيه يتردى في ظلمات بعضها فوق بعض إذا خرج يده لم يكد يراها. Ce hadith contient les vertus énormes des compagnons du prophète alayhi salatu wasalam de façon générale. Comme il nous éclaire sur leur place, sur la place importante qu'ils ont dans cette communauté. Ils sont dans la communauté comme les étoiles dans le ciel. Les étoiles dans le ciel, on s'éclaire avec, on se guide avec, dans le désert et au fin fond des océans. Au fin fond des océans, c'est l'étoile du sud, Hadith, c'est l'étoile Kada, et on arrive à faire son chemin. Dans le désert, la même chose. Les compagnons du prophète, on se guide avec aussi. Leurs enseignements, leur compréhension. Hein? On se guide avec dans notre religion. Et on est dans la clarté dans notre religion suivant leur voie. Les compagnons du prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit des étoiles. Dans Surat Al-An'am, verset 97, le verset nous dit, et celui qui a fait que les étoiles, a fait que créé les étoiles pour que vous guidiez avec dans les ténèbres. Donc, les ténèbres de, que ce soit de la terre ferme ou là dans les océans. Que ce soit dans le désert ou là dans les océans. Dans les nuits ténèbres, tu lèves le ciel vers ceux qui voyagent dans le désert, etc. Et c'est les caravanes, ils savaient. Dès l'étoile, ils savaient la direction de l'est et de l'ouest, rien qu'en regardant le ciel. Les marins au fin fond des mers, la même chose maintenant, avec les étoiles. Maintenant, ils ont des machines. Mais avant d'avoir ces machines, Allah subhanahu wa ta'ala a créé les étoiles pour ça. Si les compagnons pour nous maintenant, on se guide avec leur science, avec leur compréhension, avec le comportement, en suivant leur science, en suivant leur compréhension, en suivant leur croyance, leur comportement, on se guide avec pour être sauvé des ténèbres, des plaisirs et des désirs, et des grandes ténèbres des ambiguïtés. Le pire, ce sont les ambiguïtés. Ce sont les ambiguïtés. Et celui qui se détourne de la compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ben celui-là, il s'enfonce dans le gouffre des ténèbres. Dans des ténèbres, couche sur couche. Celui qui s'éloigne de la compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, ben il s'enfonce dans les ténèbres, dans des couches de ténèbres, couche sur couche. S'il sort sa main, il ne la verra pas. Tout ça parce que il s'est éloigné de la voie des puiseurs d'Allah et de leur compréhension. وهذا العرباد بن سارية رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. العرباد بن سارية سيتي سحاديت سحاديت les hommes de science. Ça c'est le conseil de celui qui fait ses adieux. Dit le prophète عليه الصلاة والسلام nous a fait une exhorte qui était forte. Nos cœurs ont frémi et nos yeux ont versé leurs larmes. Nous avons dit à Rasulallah, c'est le rappel, c'est l'exhorte de quelqu'un qui fait ses adieux. Conseille-nous, donne-nous des conseils. Il leur a dit, je vous conseille taqwa. Faites de préserver les droits d'Allah Azza wa Jal. Et de s'abstenir de ses interdits. Et de fait d'écouter et d'obéir. Même si c'est un esclave éthiopien qui nous gouverne. Même si ce n'est pas un arabe qui gouverne. D'écouter et d'obéir. Et ça, dans ce hadith, ces conseils, si la communauté les mettait en application, il y a beaucoup de catastrophes, beaucoup d'ambiguïtés et beaucoup de fitanes de laquelle la communauté va être épargnée. Le fait d'écouter au gouverneur et d'écouter les hommes de science dignes du nom. Parce que le Oulat, on a deux formes, deux situations. On a les gouverneurs et on a les hommes de science. Et si on leur écoute, on leur obéit dans l'obéissance à Allah, Azza wa Jal, beaucoup de problèmes vont s'estomper. Et on sera dans la quiétude, dans notre application de cette religion. Et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, après les conseils, il a dit, celui qui vivra parmi vous verra beaucoup de divergences. Han tachouf devant toi. Comme s'il était vivant avec nous, salawatou alayhi wa sallam. Combien d'idées maintenant devant toi? Il appelle vers un islam politique. Un islam social. Il veut un islam de théâtre et d'anachie, de je ne sais plus quoi. Il veut un monde islamique. Il veut un cinéma islamique. On n'arrête pas. Déluge de divergence avec Mohammed alayhi salatu wassalam et la voix du puiseur d'Allah alayhi. Ça n'en finit pas. Et les compagnons, quand ils ont entendu ce hadith, ils ont vécu. Ce hadith avait un vécu à l'époque des compagnons. Ils ont vu le Khawarij qui ont pris les armes contre eux. Parce que justement, ils n'ont pas eu la compréhension des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Ils ont pris une autre voie dans la compréhension des textes, ils ont pris les armes contre eux. Il y a eu le Qadariya qui sont venus voir que Abdullah ibn Omar sonnait désavoué. Et il y a eu beaucoup. Donc ça veut dire que ce hadith, les compagnons ont vécu ce hadith, ont vu ce que leur a annoncé Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous maintenant, on est en plein dedans. Ténèbres de de divergence avec Mohammed alayhi salatu salam et avec la voix de nos puiseurs d'Allah. Et devant toutes ces maladies, ce que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé comme ça là, il nous a donné le remède. Cramponnez-vous à ma sunna et à la sunna du khalif bien guidé. Mordez dessus avec vos molaires et faites attention à toutes nos voltés. Et toute nouveauté est un égarement. Et tout égarement, on sait vers où ça va aller, l'égarement. Dans Khutbat al-Haja à la fin, tout égarement, dans la ziyada d'Yelt al-Nasai, rahmatullahi alayh, tout égarement, il vous fait de l'enfer. Hein? Donc, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a donné la voie par laquelle nous allons être quiets. Et il nous a ordonné à suivre les khalifs bien guidés. Les hommes de science disent que les khalifs bien guidés, à leur tête, il y a les quatre khalifs. Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali. Mais tous les compagnons de Mohammed a.s. sont les khalifs de Mohammed a.s. dans le fait d'avoir transmis cette religion d'Allah azzawajal et d'avoir transmis la sunna de Mohammed a.s. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وقد قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أصحابه بسنته وأمر باتباعها كما أمر باتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجد وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للأمة وإن لم يتقدم من بهم في شيء وإلا كان ذلك سنته صلوات ربي وسلامه عليه. Ibn al-Qayyim de nous dire, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a fait que sa sunna et la sunna des sahaba, il les a mis à pied d'égalité. Il a ordonné de les suivre. Il a fait que ce soit un seul chemin. Sa sunna et la sunna des compagnons, un seul chemin. Il a ordonné de la suivre. Et il a même été, il l'a recommandé fortement, jusqu'à nous ordonner de mordre dessus avec nos molaires. Et hada, ça concerne les verdicts qu'ont émis les sahaba radhiyallahu alayhim et les voies qu'ils ont prises dans certains actes, etc. Même si c'est, le prophète ne l'avait pas fait, hein, parce que si le prophète l'avait fait, ce serait sa sunna directement. Hein. Et eux, ce n'est pas leur raison qui commande. Oui, ils mettent une application, Ridwanullah alayhim, comme l'aura enseigné Mohammed alayhi salam. Ils étaient dans le juste, et pas un parmi eux. Chaque fois qu'Abu Bakr Siddiq cherchait quelque chose ou lui demandait quelque chose, hein, maintes fois, il attend, il dit, je ne sais pas, je ne sais rien dans le livre d'Allah, ni dans la sunna de Mohammed alayhi salam. Il demande à un des compagnons s'il savait. Il ne s'aventurait pas dans la religion de Allah, comme le font maintenant ceux qui sont autour de nous. Il faut une nouvelle compréhension de la religion. Il faut partir sur des nouvelles bases. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut changer la religion. Il faut défigurer cette religion. Non, il faut que la religion, qu'on comprenne cette religion à la lumière du monde moderne. Subhanallah. Comme si Allah, subhanahu wa ta'ala, qui a descendu cette religion, c'est ce qui va être. C'est que vous allez traverser les ciels avec des vitesses énormes. Alors, avant la création des cieux et de la terre, il a créé la plume, il lui a dit, écris, 50 000 ans avant. Écris ce qu'il va être et ce qu'il sera jusqu'à la fin des temps. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est tout ça. Mais la façon de nous marier, la façon de dans nos transactions commerciales, etc., ne doivent pas changer. La loi de l'Allah ne change pas comme ça. La yakhal islam. La façon de te marier au Maroc, celle de te marier en Arabie Saoudite, doit correspondre à la loi d'Allah et à l'authentique de la sunna du prophète alayhi salam. Et comme hein, l'a pratiqué nos plusieurs d'Allah alayhim qui sont sahaba et ceux qui les suivent à la perfection. Sinon, on va être comme des chameleons. Chaque jour, on a une religion. A'oudou billah. Et regardez, ceux qui prennent toute cette forme de modernité et qui mettent leur raison avant les textes, regardez comment ils sont contradictoires avec eux-mêmes. Et regardez combien de fois ils se font coincer par les non-musulmans. Par les mécréants, ils les coincent. Mais vous avez dit ça là. Et maintenant, c'est en contradiction à ce que vous vous dites là. Cela prouve que ce sont des démagogues. Ils veulent juste des chaises. Et commander être au devant de la scène. C'est tout. Et la religion d'Allah, Azzawajal, il est loin de tout ça. Il est clair. Il est net. Il est comme il a dit Rasoul Sallallahu Alaihi Wasallam, je vous ai laissé sur une claire. Sa nuit et son jour sont identiques. Nous divise de cette claire, de cette voie claire, que celui qui cherche sa perte. فالصحابة رضوان الله عليهم أولى الناس برسولهم صلى الله عليه وسلم وسنته فهما وعملا ودعوة فوجب على من بعدهم أن يتمسك بمنهجهم ليكون موصولا برسول الله صلى الله عليه وسلم وبدين الله عز وجل، وإلا فهو كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. Donc les compagnons du prophète عليه السلام sont eux les premiers propriétaires, hein, les en priorité ceux qui sont liés à Mohammed عليه السلام. C'est eux qui ont mis en application la sunna de Mohammed عليه السلام, qui l'ont compris, qui l'ont mise en application, qui ont appelé vers cette sunna de Mohammed عليه السلام. Donc il est obligatoire pour ceux qui sont venus après eux de se cramponner à leur voix pour que ça les lie directement avec le messager d'Allah et avec la religion d'Allah. Sinon ils vont être, s'ils ne se lient pas à la voix des compagnons du prophète عليه السلام, qui les lie directement à Mohammed عليه السلام, ben ils vont être comme un arbre dont les racines ne sont pas dans le ciel. Dès qu'il y a un vent, il le fait tomber. Comme ça, debout. Et il t'apparaît debout, mais en réalité, c'est rien. Et un petit vent qui passe, pfft, il tombe. Hein? وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الافتراق وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة مان عليه اليوم وأصحابي. Il a dit, عليه الصلاة والسلام, cette communauté va se diviser en 73 sectes. Tous en enfer sauf une. Hein? Sauf une seule voix. On va se diviser en 73 voix. Une voix qui est sur la vérité, cette voix porte un seul étendard. La voix sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Mais un d'actani, on dit, ah, donc les salafis, ils kuffarent toute la communauté. Là, il y a l'islam. Ce hadith, tu dois le comprendre à la lumière des hommes de science. Hein? Comme Cheikh Ibn Baz et autres. Cheikh Ibn Baz, il dit, pour ces groupes qui vont aller en enfer, chacun selon. Il y a certaines personnes dont l'innovation, il est du domaine, il n'est pas du domaine de la mécréance. Donc celui-là, il sera sous le vouloir d'Allah Azza wa Jal. Si Allah subhanahu wa ta'ala il veut le châtier, ben, ça sera justice min Allah. Et si Allah subhanahu wa ta'ala il veut lui pardonner, ben, c'est un bienfait min Allah Azza wa Jal. Mais contre l'innovation et du domaine de la mécréance, ben, c'est l'enfer. Hein? C'est tout. C'est comme ça que les comprend. Tu ne fais pas avoir. Mais certains viennent, ouais, mais vous, les salafis, vous rendez mécréants la communauté. Aoudou billah, on rend mécréants personne. Les salafis, ce sont ceux qui s'éloignent le plus des sentences de la mécréance. Et qui ne les émettent pas. Ils ne mettent pas comme ça une sentence de la mécréance. Ils sont loin de là. Ils sont innocents de ça. Ah, là, c'est la voix d'El Khawarij, la voix des éclatés parmi l'Ikhwan et autres. Moi, ils sont faciles. T'arrêtes pas de t'étonner quand tu vois un tbliri maintenant, il rend mécréant les gouverneurs de l'Arabie Saoudite. Qu'est-ce que tu as toi avant d'abord? T'as tbliri, ben dans l'ignorance. C'est quoi tu te bases pour rendre mécréant les gouverneurs des pays de l'islam? Ah, de maintenant on est arrivé à ce point-là. L'aïdan billah. Qala ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Wal hadithu yubayinu wuqu'a l'iftiraq fil millati ba'dahu. صلى الله عليه وسلم وأنه يكون 73 ملة وأن الفرق الممثلة بهذه الملل كلها في النار وأنها تنجو فرقة واحدة رغم انتسابها جميعا إلى الإسلام هي ما كان على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم وهذا يدلك على أن فيصل التفريق بين الحق والباطل إنما هو اتباع الصحابة رضوان الله عليهم فيما كانوا عليه لأن كل الفرق المنحرفة تنتسب إلى السنة ولا تجرؤ على التبرؤ منها. ابن القيم رحمه الله تعالى de nous dire ce hadith te prouve que la division va exister dans la communauté et qu'après le prophète عليه السلام il y aura 73 groupes dans cette communauté et que ces groupes vont aller en enfer. Il n'y a qu'un seul qui va être épargné. Alors que tous, ils appartiennent à l'islam, mais un groupe va être épargné. C'est celui qui, dans l'étendard, la voie sur laquelle je suis moi et mes compagnons. Hein? Et cela, Ibn al-Qayyim te dit, ça te prouve que le point de séparation, le pain qui fait la différence entre le faux et le vrai, c'est le fait de suivre les compagnons de Mohammed alayhi salatu wasalam et d'être sur la même voie sur laquelle ils étaient. Car tous les groupes ont dévié. Ils appartiennent à la sunna. Ils se disent appartenir à la sunna. Ils ne peuvent pas dire non, la sunna, il la met de côté. Là, ils ne peuvent pas. Parce que s'il la met de côté, sa situation est plus grave. Il dit qu'il est de la sunna. Mais comme Cheikh Nasr ne le cesse de le répéter une fois dans un débat avec un des gens de ce genre de groupe, il a dit d'accord. tu prends le... D'accord, on est d'accord, Al-Sunnah ou Al-Jama'a, tu prends le livre d'Allah, comment? Ah non, on est d'accord, le livre d'Allah et la Sunnah du Prophète, il faut quelque chose de plus maintenant. Il faut quelque chose de plus. La compréhension et la voix du puiseur d'Allah, allez. Il faut ça. Sinon, Shia, il te dit le livre d'Allah et la Sunnah. Al-Qadianiya, hein? Dans la mécréance, il te dit ça. Al-Briouliya, dans l'associationnisme, fini, englouti dans l'association jusqu'à là, du livre d'Allah et la Sunnah. Il faut qu'il y ait une particularité. Il faut un point de séparation essentiel. C'est quoi? Ma ana alayhi al-yawma wa ashabi. La voie sur laquelle je suis, moi et mes compagnons, dans la mise en, dans les croyances, dans la mise en pratique, dans la compréhension, tout. Donc, la voie, c'est la voix des compagnons du prophète alayhi salam, c'est pas quelque chose de surrogatoire à l'islam, c'est quelque chose d'obligatoire. Fattiba'u ma alayhi as-sahaba zaman an-nubuwa wa ma tarakahum alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam huwa manat an-najat wa manat al-hidaya wa khilafuhu min subul al-firaq al-halika allati hiya tahta al-wa'id bi mukhalafatiha manhaj as-sahaba wa la budda an yakuna al-wasf al-mu'attil fi halaki tilka al-firaq walladhi ta'allaqa bihi وقوعهم تحت الوعيد هو مخالفة هدي الصحابة رضوان الله عليهم ما دام أن الوصف الوحيد المؤثر في النجاة كما ذكر في الحديث موافقة منهاج النبوة أو سبيل المؤمنين الذي كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم وهذا يقتضي أن اتباع منهج الصحابة وما كانوا عليه مما تلقوه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم واجب يهلك بتركه الهالكون ويسعد بأخذه الفائزون وهو اتباع أقوالهم وأفعالهم وأحوالهم في التدين كله. Donc le fait de suivre les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام à l'époque de la prophétie, il est obligatoire de les suivre sur les situations dans lesquelles ils étaient à l'époque de la prophétie. Et sur la situation sur laquelle les a laissés le prophète alayhi salam. Ça, c'est le pivot pour être sauvé et pour être guidé. Pour être guidé et pour être sauvé, il faut trouver ce chemin-là. Il faut suivre ce chemin-là. Et le chercher, et mordre dessus, et rester dedans. Et le contraire de ce chemin, c'est le chemin de ceux qui vont à leur perte. Qui sont ceux, l'avertissement d'Allah, Azzawajal. Pourquoi ils sont sous cet avertissement? Parce qu'ils sont en divergence avec la voix du compagnon du prophète. Et le fait d'être en divergence avec la voix du compagnon du prophète, c'est ce qui fait qu'ils sont parmi les groupes qui vont périr, qui se sont égarés et qui sont ceux qui sont susceptibles de recevoir le châtiment. Hein? Fait d'être en divergence avec le compagnon du prophète amène à la perte et amène au châtiment d'Allah Azza wa Jal. Et pour être sauvé de l'autre côté, qu'est-ce qui va faire qu'on soit sauvé? C'est le fait de les suivre. C'est le fait d'aller de pair avec la voix du prophète alayhi salam et avec la voix des croyants, qui sont ces croyants, qui sont les compagnons du prophète alayhi salam, la voix sur laquelle ils étaient, eux et ceux qui les suivent à la perfection. Cela implique de nous de chercher cette voie et de se cramponner à la voie du compagnon du prophète alayhi salatu wasalam et de mordre dessus. Wa alaykoum salam. Et de prendre, de les suivre. Donc, c'est une obligation. Et si on dévie de leur voie, on va périr, on va à notre perte. Et cette voie, celui qui se cramponne à cette voie sera parmi les gagnants. Et parmi les heureux dont ce bas monde il sera qui est, et dont le delà laisse tomber ce qui l'attend. Hein? Comme dilis, comme agrément min Allah Azza wa Jal. Donc les suivre dans leurs paroles, dans leurs actes, dans leur situation, dans la religion. C'est un package complet. Tu ne viens pas, tu prends ce que tu as envie et tu laisses le reste. Là, c'est complet. والأمر الثالث الذي يجب علينا أن نتحدث عن فضل الصحابة وعن أهمية الصحابة وعن مكانتهم أن الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا لنا مثالا أعلى في كل مجالات الخير فلا بد أن نتمسك بمنهجهم. Et le troisième point qui rend obligatoire qu'il faut parler des compagnons, qu'il faut se pencher sur leur vie, et regarder cette vie et prendre le modèle, c'est qu'ils nous ont donné les meilleurs des exemples et les sommets des exemples au niveau dont toutes les situations du bien. Donc il faut qu'on se cramponne à leur voix. Il est obligatoire pour nous de se cramponner à cette voix. في محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صحابية جليلة اسمع أخا الإسلام صحابية جليلة قتل يوم أحد أبوها وأخوها وزوجها فلما نعوا لها قالت كيف فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم écoute frère en Allah عز وجل une femme une noble compagnonne le jour d'Uhud ont eu son père ont eu son frère ont eu son mari et quand on lui annonce la mort de tout cela, rien n'est fait. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait le prophète alayhi salam? Ça ne l'a pas touché, ça ne l'a pas attristé sur le moment. Il a dit tout simplement, qu'est-ce qu'il en est de Muhammad alayhi salam? Regardez, cette génération, comment, à quoi il pense? Qila laha huwa ala khayri ma tuhibbin. On lui a dit, il est sur la meilleure des situations. Il est sur la situation que tu aimerais. Faqala da'ouni anzur ilayh. Laissez-moi le voir, il a dit. Il veut s'assurer de ses yeux qu'il est sain, qu'il est sauf, que rien n'est arrivé à Mohammed alayhi salatu wasalam. Ce qui lui est arrivé, c'est rien. Mais il veut qu'aucune épine ne touche le prophète alayhi salatu wasalam. Ainsi, ils étaient dans l'amour de Mohammed alayhi salatu wasalam. فَلَمَّا رَأَتْهُ قَالَتْ كُلُّ مُصِيبَةٍ دُونَكَ جَلَلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ Tu ris de sa rire. Quand il l'a vu, il a dit... Il a créé cette parole. Il a dit, toute catastrophe, il est minime. Quand il l'a vu, dehors, rien ne t'est arrivé. Bah, toute catastrophe qui est arrivée, c'est rien du tout. Du moment que toi, tu y en vis. Ainsi, ils étaient dans l'amour de leur messager, alayhi salatu wasalam. وهذا صحابي جليل أسرته قريش فأخذوه ليقتلوه يا عباد الله فقال له أبو سفيان يا زيد أنشدك الله أتحب أن محمدا مكانك الآن تضرب عنقه وأنت جالس في أهلك voici un noble compagnon que on a pris pour aller lui couper la tête Quraysh allait lui couper la tête et Abu Sufyan de tourner de lui dire Ya Zayd par Allah est-ce que tu n'aimerais pas que Mohammed soit à ta place et qu'on lui coupe la tête et que toi tu es tranquille dans ta famille فقال زيدٌ والله رضي الله عنه وارضاه والله ما أحب أن محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤديه وأنا في أهلي الله أكبر أي رجال هؤلاء زيد رضوان الله عليه je n'aimerais pas là où Mohammed se trouve chez lui qu'il lui arrive une épine qu'il lui arrive rien du tout je n'aimerais pas c'est quoi cette génération d'hommes regardez comment ils étaient Hada, il va à sa mort, ils vont lui couper, ils vont le tuer. Hein? Et regardez sa réaction. Qala Abu Sufyan, ma ra'aytu ahadan minan nas yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam. Et Abu Sufyan du secret, je n'ai pas vu des gens aimer Muhammad comme les compagnons de Muhammad aimaient. Je n'ai pas vu des gens aimer quelqu'un comme les compagnons de Mohammed et Mohammed. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour accompagner son messager. Il a fait que il est obligatoire de suivre leur chemin. Et fi hada sahabi yaqulu al-qa'il asarat quraish musliman famada bila wajl ila as-sayyaf sa'aluhu al yurdika annaka salim wa laka an-nabiy fidan min al-itlaf فأجاب كلا لا سلمت من الرذى ويصاب أنف محمد برعاف الله أكبر لا سلمت من الرذى ويصاب أنف محمد برعاف que le poète a dit dans ce compagnon Quraysh a emprisonné un muslim et on l'a ramené vers celui qui va lui couper la tête et lui ont demandé est-ce que tu n'agrirais pas que tu sois épargné que Mohammed alayhi salatu wasalam soit à ta place il lui a dit qu'il ne voulait pas, qu'il n'aimerait pas que le sang coule de Dinarine de Mohammed alayhi salatu wasalam, qu'il n'aimerait pas ça. Alors que lui, on va l'amener pour lui trancher la tête. Aïna tarabba haoula. Tumma yati fil qarn al-ashrin. Al-khubatha al-dhaloun. الشيعة الرافضية ويسبون هؤلاء الأخيار والسب فيهم أولى. جمد الله الدماء في عقولهم. يأتي هؤلاء فيسبون، ويأتي من يشار إليه بالبنان ومن تكلمت فيه قالوا أنت تفرق الأمة، فيسب معاوية رضي الله عنه، ويطعن في عثمان، ويطعن في عمرو بن العاص وغيره. وإذا قلت لهم سيد قطب يقول في عثمان كذا وكذا قال لك ما فهمت ما يقول سيد قطب، كيف أفهمنا؟ ماذا تريد مني أن أفهم؟ هذا يسب معاوية، كلامه صريح في معاوية، كلامه صريح في عثمان بن عفان وفي عمرو بن العاص، وتقول لما فهمت ما مراده؟ كيف؟ إلى هذا الحد وصلنا؟ أهانت علينا، أهان علينا صحابة رسول الله إلى هذه الدرجة بأن نقدم أمامهم رجلا يكفر أمة الإسلام، بأن نقدم أمامهم رجلا أفكاره أودت بشباب الأمة في في السجون، وأفكاره أدت بالأمة إلى سفك الدماء وحمل السلاح بعضها على بعض. هكذا نقدمه أمام صحابة رسول الله؟ هكذا حب الصحابة؟ هذا هو المضمون فينا؟ لا يا أخ الإسلام، فليكن من يكون، فحب الصحابة إيمان ومن الدين وإحسان، وبغضهم نفاق وكفر وطغيان كما قال الإمام الطحاوي رحمة الله عليه. فلا بد، لا، هؤلاء حملوا لنا الدين وبلغوه لنا، فلا بد أن يكون عندنا شعور لهذا الدين ولحملة هذا الدين ولشهود الرسالة. فالطعن فيهم طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم وطعن في الرسالة كذلك. Où ils ont été éduqués ces compagnons de Mohammed alayhi salam. Tu entends maintenant les impurs والروافض أخزاهم الله de les insulter. Que Allah subhanahu wa ta'ala coagule le sang dans leurs veines. De les insulter et de dire des choses. Les montagnes s'ébranlent, hein, bougent quand ils entendent ce qu'ils disent sur Aïcha et sur Hafsa, ridwanullahi alayhim. Et tu entends certains parmi les intellectuels dans le milieu universitaire et autres, quand tu essayes de leur montrer les erreurs de l'un de leurs emblèmes qui est Sayyid Qutb, et des dires et des diffamations qu'il a aimées sur Muawiyah radiallahu ta'ala anhu warda, et sur Uthman radiallahu ta'ala anhu warda, et sur Amr ibn al-As. Ils disent, mais non, vous n'avez pas compris ce qu'il dit. Comment, qu'est-ce qu'il veut que je comprenne? Il a traité Muawiyah d'être traître avec Amr ibn al-As. Qu'est-ce qu'il veut que je dise? Il a dit que le règne, hadik la khilafa d'Yal Omar ibn Uthman ibn Affan, que c'est une faille entre la khilafa des deux grands, Abu Bakr et Omar, et la khilafa de Ali. Qu'est-ce que tu me racontes, Nta? Qu'est-ce que ça veut dire une faille? Hein? Et il a dit d'Aba Soufiane que l'islam est resté sur sa langue, il n'a pas atteint son cœur. Comment il est arrivé à voir dans son cœur? Et ses idées, ce qu'il y a dans ses livres, comme jalons sur la route, ils ont envoyé toute une communauté, toute une génération de musulmans au fin fond des prisons. Et ses idées, ce qui est véhiculé dans ses livres, ils envoient nos pauvres frères, que ce soit des petits jeunes de Belgique ou d'ailleurs, qui ont rien, ils ont un bon sentiment pour l'islam, et on les remplit. On leur inculque que tout cela, tous ces gouverneurs, c'est des mécréants contre toi et tout, et le paradis, il n'y a que ça. Et on les bourre des idées de Sayyid Qutb, et on les envoie, ils deviennent des chairs à canon et des victimes. Et après, on vient nous dire, vous n'avez pas compris ce qu'a dit Sayyid Qutb. A'oudou billah, c'est toi qui n'as pas compris. Toi, tu veux ton égarement. Toi, tu veux induire les gens en erreur. C'est toi qui n'as pas compris. Les hommes de science qui se sont penchés sur ces livres ont compris. Et ils avaient les outils pour comprendre. Mais toi, tu n'as rien. Toi, tu dis que tu as eu ta licence de sociologie ici, à Lille 3 ou à Lille 5. Ou là, tu as eu ta licence d'histoire à Lille 5. Va relire ton histoire d'abord. Hein? Relis-la comme il se doit. Qu'est-ce que tu es en train de nous chanter? L'autre, il se monte sur son monde-ball, on plaît à Lille, il dit... Hein? Moi j'ai lu le livre de l'Ibn Sayyid Qutb, il n'y a rien dedans. qui tu es d'abord. Tu as fait des études de marketing, grecque dans le marketing. Qu'est-ce que tu peux déceler comme erreur dans les livres de Sayyid Qutb Allah ou l'Ad al-Banna? Rien, reste à ta place. Mais voilà, quand on ne se cramponne pas à la voix de ces pizayuls, quand on ne se respecte pas et on ne sait pas reconnaître sa place, qu'est-ce qu'on fait? Voilà où on arrive. Et on dit de Shia, ce sont nos frères. Comment ça, c'est tes frères? C'est tes frères à toi, ils ne sont pas à moi. C'est tes frères à toi. Les compagnons, celui qui les insulte, il est dans une situation dangereuse. Écoute cette parole, dit les imams, comme l'imam Tahawi, rahmatullah alayh. Il met les compagnons du prophète, alayhi salam. Fait partie de la foi, fait partie de la religion, fait partie de la bienfaisance. Les détester, c'est une hypocrisie, c'est une mécréance et dépasser ses limites. Et regarde cette parole qu'a dit Sayyid Qutb Muntaha. Où tu veux aller? Regarde ce qu'ils disent sur l'Égypte ou Tarout. Qui c'est l'Égypte ou Tarout? C'est Abu Bakr et Omar dans leur croyance. Et regarde ce qu'il a dit le Khomeini. Khomeini, tous, d'ici d'Europe, ils sont partis lui baiser la main et le féliciter pour l'État islamique. Et pourtant, il dit, insultez les statues de Quraysh. Akhzaullah. Et aussi, parce que le problème, c'est que, on dit, ah, ils ont dit, les pauvres Johanna, on est une communauté, souvent fait, on s'écoute beaucoup et on écoute nos sentiments. Akh al-Islam, les sentiments sont bons, mais il faut les conditionner avec la parole d'Allah. Et la sunna du prophète, alayhi salam, et la voix du puiseur, d'Allah, alayhi. Voilà l'expérience qu'il y a eu. Après, quand il y a eu l'éclatement, le combat entre les juifs et Hezbollah, le commun, vers qui il a couru? Les frères musulmans et autres, vers qui, dans quel bras ils sont tombés? Non, pas dire Hezbollah. Quelle différence il y a entre le Khomeini et Hezbollah? C'est les mêmes. Tu es un impur pour eux, je suis un impur pour eux. Ils me voient, moi et toi, avec un queue derrière. Et que tu fasses mille fois le roussel, tu es impur, tu resteras toujours impur. Et quand ils veulent insulter quelqu'un, ils disent l'os de la mère d'un sunni dans ta tombe. Ainsi, tu me dis, c'est mes frères Shia. Arrête, s'ils sont tes frères, débrouille-toi avec. T'as pris leur alliance, bah reste avec eux, Akhi. Ah, ils ne sont pas mes frères. Ils ne doivent pas être nos frères. Et Akhal Islam, le plus grand ennemi, dit Rafida Sinou, c'est les gens de la Sunna. Alors écoute le Khomeini, quand il s'est assis en privé avec le Moussaoui, qui a écrit son livre pour Allah et après pour l'histoire, alors, il a dit en privé comme ça. Il est temps maintenant d'exaucer le vœu des imams et de purifier la Mecque et Médine du Wahhabite, et de changer la Qibla vers Qom. Ainsi, Akhal l'Islam. Ainsi. Et si tu ne sais pas, il faut que tu apprennes qui c'est Shia. Il faut que tu apprennes ce que c'est que Rafida. Il faut que tu apprennes leur dogme, et où est-ce qu'ils veulent amener. Et là, les gens se sont enflammés. Hezbollah, Hezbollah, Hezbollah. Viens, Hezbollah. Hein? Ils ont battu. Là, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala extermine les injustes par les injustes. Qu'ils s'exterminent entre tous les deux. Il n'y a pas de problème. Mais qu'on ne déguise pas les situations et qu'on ne remplit pas d'ambiguïté et qu'un chat, c'est un chat. Point final, ça s'arrête là. Et c'est tout. Il faut appeler les choses par leur nom. Il ne faut pas se faire avoir. Nos sentiments, oui, nous devons avoir des sentiments. Mais des sentiments, ils doivent être conditionnés avec la parole d'Allah, l'authentique de la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Nous devons nous arrêter là où nous arrête la sunna de notre prophète, alayhi salatu wassalam, et la voix de nos puiseurs, d'Allah. Sinon, on va à notre perte. On fait mal, de là on croit, on fait bien. Hein? On s'allah, subhanahu wa ta'ala, anjalna wa iyakum, min ladina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله